des médecins qui tuent, des praticiens qui assassinent impunément, protégés par leur symbolique blouse blanche. L'idée fait frémir. Et en 1953, au pays des Soviets, elle a fait effectivement peur. Car on y a cru. On y a cru d'autant plus que ces médecins tueurs étaient pour la plupart juifs. L'antisémitisme latent dans la population russe ne demandait qu'à se réveiller. Ne disait-on pas autrefois que les juifs commettaient des crimes rituels, volaient et assassinaient des enfants aussi? La publication du communiqué de l'agence TASS annonçant l'arrestation d'un groupe de médecins saboteurs appartenant au service d'espionnage judéo-américain, accusé d'avoir tué deux dirigeants du régime et soupçonné de préparer l'assassinat de plusieurs autres, fait-elle l'effet d'un choc. Tout de suite après, on note, ici et là, et surtout en Ukraine, des manifestations spontanées d'antisémitisme. Des enfants juifs sont battus par leurs camarades d'école, des adultes sont insultés par leurs collègues de travail, et la population juive semble prise de panique. Deux mois plus tard, Staline meurt. Les médecins sont libérés, et bientôt un communiqué officiel annonce qu'ils ont été accusés à tort. Ils sont réhabilités. Le complot des blouses blanches a vécu. Monsieur X a donc choisi cette semaine d'évoquer cette troublante affaire dont on ne connaît toujours pas les ressorts. Pourquoi en effet Staline a-t-il choisi sciemment d'utiliser le poison de l'antisémitisme alors même qu'il avait été quelques années plus tôt l'un des principaux artisans de la création de l'État d'Israël? Alors, quel était son véritable dessein? Était-il lui-même antisémite? Et plus largement, quels ont été les rapports entre le pouvoir stalinien et la population juive de l'ex-URSS? Un sujet brûlant à l'heure où, malheureusement, l'actualité quotidienne ne cesse de nous rappeler que, malgré l'existence d'Israël, la question palestinienne demeure. L'hebdomadaire Le Point ne faisait-il pas récemment sa couverture sur cette question? Être juif aujourd'hui, à propos de la récente parution du livre polémique d'Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias, « Les Juifs ont-ils un avenir ?» Tordu, tour du monde, tout au long, la question. N'avoir au chemin qu'un point de chute incertain. Qui es-tu? Tournes-tu autour d'un monde étendu? Je nous vois moribond, il n'est pas exclu. Autour d'un monde tordu, que le soleil n'existe plus. Voyage ni ne partage plus. Nous voilà dépourvus, solitaires comme nus. Tour du monde, reviendrais-tu? Nous serons à l'étroit, la pièce est exiguë. Mais il n'est pas de place qui ne soit sans issue. Autour du monde, je le vois qui se sonde. Serait-il entendu que ce monde a besoin de minces et de ventrus? Tordu, tour du monde, toute de soi la vision. Quelle belle idée que de savoir être en voisin. Un pont de suite, un chemin. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Première question, là. Est-ce que Staline était lui-même antisémite ? Il s'en est bien sûr toujours défendu. C'est vrai qu'il est impossible de trouver dans ses écrits et ses discours le moindre signe d'antisémitisme. Enfin, de nombreux témoignages prouvent le contraire. Oui, mais est-ce que ce sont des témoignages fiables ? Oui, oui. Celui de Khrouchtchev, par exemple. Oui, mais l'Ukrainien Khrouchtchev n'était peut-être pas le mieux placé pour en parler. Oui, vous avez raison. L'Ukraine, où vivaient de nombreux juifs, a toujours été une terre imprégnée par l'antisémitisme. Une terre de pogrom. Et Khrouchtchev, qui a été longtemps le patron de cette république, n'était lui-même pas très clair en ce domaine. Et alors, d'autres témoignages peut-être ? Bon, on rapporte que venant d'être informé de l'existence de troubles dans une usine d'aviation de Moscou, troubles attribués à des juifs bien sûr, Staline aurait déclaré « On devrait donner des trics aux travailleurs afin qu'après leur journée de travail, ils flanquent une bonne recée à ces juifs ». C'est en effet assez éloquent ça. Mais il a aussi le fait que lors des grandes purges qui ont décimé la vieille garde bolchevique, il s'est trouvé nombre de juifs parmi les accusés. En fait, très peu en ont échappé. Oui, mais il faut dire qu'il y avait aussi beaucoup de juifs dans les instances dirigeantes du parti. C'est vrai, ça s'explique très bien. Mais j'y reviendrai. Non, c'est sans doute dans sa vie privée que s'est exprimé le plus clairement l'antisémitisme de Staline. Expliquez-moi ça. Alors. Sa fille, Svetlana, avait épousé un juif, son premier mari. Or, Staline n'a jamais voulu rencontrer son gendre. Mais parce qu'il était juif ? Ça me paraît évident. Et quand Svetlana divorcera, son beau-père, un juif donc, sera jeté en prison. Autre preuve, son fils, Yakov, avait lui aussi épousé une juive. Lorsque, pendant la Seconde Guerre mondiale, Yakov a été capturé par les Allemands, Staline s'est empressé de faire arrêter sa brûle. Mmh. Mais attendez, il me semble que... j'ai cru lire ça, moi... que Staline, après le suicide de sa première femme, avait épousé une juive. Oui, la sœur de Lazar Gaganovitch, qui était alors membre du bureau politique. Ça, oui. Ouais. Bon, on ne les a jamais vus ensemble. Et puis on peut même se demander si ce mariage n'était pas une fable. Ah bon, carrément. Une fable destinée à prouver que Staline n'était pas antisémite ? Bah, ça y ressemble, en effet, oui. Alors, donc pour vous, hein, il n'y a pas de doute, Staline était antisémite. Oui, oui, en cela, il n'était pas très différent d'une grande partie de la population russe, où les préjugés antisémites demeuraient vivaces malgré la révolution bolchevique. Et la révolution qui avait pourtant aboli toutes les mesures discriminatoires contre les juifs. Exact. En principe, l'appartenance au parti bolchevique excluait toute manifestation d'antisémitisme. En principe seulement, alors. C'est cela. Mmh. Alors revenons sur ce que vous évoquiez vous-même. La présence de nombreux juifs dans les instances du parti et la nouvelle administration bolchevique. C'est incontestable. Pourquoi ? Bah, parce que la population juive, essentiellement urbaine, était plus instruite et qu'elle avait donc donné à ses enfants une meilleure éducation. Par conséquent, c'est en son sein que le parti bolchevique va recruter. Naturellement. Mmh. Le résultat, c'est qu'on va compter un quart de juifs parmi les fonctionnaires de l'URSS. Ah oui, ce qui est disproportionné par rapport au poids démographique réel de la communauté juive. Bien entendu. Mmh. On sait à peu près combien il y avait de juifs en URSS, là, c'était pas... Entre 2 ou 3 millions pour une population totale de 150 millions d'habitants. Ah, effectivement, oui. Et dans l'instance suprême du nouvel État, c'est-à-dire le Politburo, il y a 3 dirigeants prestigieux qui s'appellent Trotsky, Kamenev et Zinoviev. Mmh. Tous juifs. Oui. Mmh. 3 sur combien ? Bah, 3 sur 5. Les deux autres étant Lénine et Staline. Et très vite, cette surreprésentation des juifs va avoir des effets très pervers. Pourquoi ? Bah parce qu'à l'extérieur comme à l'intérieur, on va commencer à parler de judéo-bolchevisme. À l'extérieur de l'URSS, ça s'explique assez bien, étant donné l'antisémitisme latent existant dans les pays catholiques en particulier. À l'intérieur, c'est plus insidieux, parce qu'on y note tout de suite un regain de l'antisémitisme. Après la Révolution, donc. Tout de suite après. Mmh. Et les armées blanches vont se battre ouvertement contre le judéo-bolchevisme du nouveau pouvoir. Il en sera de même pour les nationalistes ukrainiens lors de la guerre civile. En fait, ce sont les vieux fantômes qui ressurgissent, et surtout celui de la prétendue conspiration juive mondiale. C'est-à-dire la conspiration évoquée par le trop fameux protocole des sages de Sion. Oui, enfin une œuvre fumeuse, un tissu de mensonges antisémites, qui a été rédigé au début du XXe siècle, à l'initiative de la police secrète du tsar, l'Okhran. Il faut d'ailleurs souligner que cet ouvrage ignoble aura la peau dure, si je puis dire, car il circule encore dans certaines officines d'extrême droite. Oui, et même en France. Mmh. En tout cas, ça veut dire que les ennemis de la révolution russe assimilent pouvoir bolchevique et pouvoir juif. Tout à fait. Et dans les milieux les plus populaires, la paysannerie en particulier, ça fait mouche. Est-ce que les dirigeants communistes de ces années-là en ont conscience ? C'est évident. Et dès que Staline prend réellement le pouvoir, il va réagir avec le cynisme qu'on lui connaît. En 1927, il se débarrasse de Trotsky, Kamenev et Zinoviev. Mais ses opposants. Ses opposants politiques, c'est vrai. Mais ça n'est nullement un hasard si cette élimination concerne 3 juifs. Ça veut dire qu'il faut déjudaïser le pouvoir. Incontestablement, il faut se débarrasser de cette image du judéo-bolchevisme qui colle encore à l'URSS. Et Staline vendra lui-même la mèche en insistant lourdement sur le fait que ces trois hommes ne sont pas liquidés parce qu'ils sont juifs, mais parce que ce sont des opposants. C'est un clin d'œil cynique à l'opinion russe. Ouais, parce que Staline, là, dans ce communiqué, les désigne publiquement comme étant juifs. Exactement. Est-ce que ça signifie pour autant qu'il encourage l'antisémitisme? Ça y ressemble. Plusieurs faits le prouvent. Il ne faut pas oublier que parmi les victimes des grandes purges et des procès de Moscou avant-guerre, il y aura beaucoup de juifs. Mais l'aspect le plus machiavélique de cet antisémitisme qui ne veut pas dire son nom, c'est sans doute la nomination de citoyens d'origine juive dans les instances les plus haïes et les plus craintes, c'est-à-dire le GPU et l'administration du Goulag. Mais dans quel but alors? Dresser la population contre les juifs? Bien sûr. La répression, c'est la faute des juifs. Yakoda, un homme brutal et grossier, a été le patron du NKVD et l'initiateur des premiers procès de Moscou. Il était juif, et tout le monde le savait. Mais lui-même, je crois, très mal fini. Oui, enfin, Staline l'a liquidé au prétexte qu'il était à la solde de services étrangers. Mensonge? Évidemment. Mais avec son élimination, il faisait d'une pierre deux coups. Non seulement il se débarrassait d'un homme haï, mais il accusait un juif des pires méfaits. Vous avez parlé, je reprends vos propos, vous avez parlé d'un antisémitisme qui n'osait pas dire son nom. Qui ne pouvait pas dire son nom. Officiellement, les soviétiques étaient antiracistes et proscrivaient donc l'antisémitisme. Ouais. Dans la réalité, c'était fort différent et les sentiments anti-juifs traversaient même le Parti communiste. Il faut savoir que lorsque Lénine est mort en 1924, la rumeur a couru dans les rangs bolcheviques qu'il avait été assassiné. Oui, mais assassiné par qui? Par des médecins juifs. Alors déjà? Déjà, oui, bien entendu, cette rumeur n'avait aucune consistance. Ouais. Mais elle a certainement marqué les esprits. Et Staline saura s'en souvenir plus tard lorsqu'il inventera de toutes pièces le complot des blouses blanches. It's hard not to sit on your hands, bury your head in the sand, hard not to make other plans. Claim that you've done all you can all along, and life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong, but you must carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side. When the accusations fly, hold tight. Don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day. One day. It's hard. Hard when you're here all alone, and everyone else has gone home. Harder to know right from wrong, when all objectivity's gone, and it's gone, but you still carry on. 'Cause you are the only one left, and you've got to clean up this mess. You know you'll end up like the rest, bitter and twisted unless you stay strong and you carry on. It's hard, but you know it's worth the fight. Do you know you've got the truth on your side? When the accusations fly, hold tight and don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day. France Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Jean-Jacques Marie a publié aux éditions Complexes un très intéressant ouvrage intitulé « Les derniers complots de Staline ». Il remarque que c'est Trotsky qui a été le premier à attirer l'attention sur l'exploitation de l'antisémitisme dans les procès de Moscou. Voici par exemple ce qu'écrit Trotsky dans un article paru en janvier 1937. Depuis longtemps, les bureaucrates soviétiques jouent double jeu sur la question juive comme sur d'autres questions. En parole, bien sûr, ils se prononcent contre l'antisémitisme. Non seulement ils traînent devant les tribunaux les pogromistes fanatiques, mais ils les fusillent aussi. En même temps, pourtant, ils exploitent systématiquement les préjugés antisémites afin de compromettre tout groupe d'opposition. Et un mois plus tard, Trotsky écrit encore ceci. Dans tous les procès de ce genre, dès février 1937, les Juifs sont inévitablement représentés dans une importante proportion, en partie parce qu'ils constituent une fraction importante de la bureaucratie, et en partie également parce que, poussés par l'instinct de conservation, les cadres dirigeants de la bureaucratie font de leur mieux pour détourner vers les Juifs l'indignation des travailleurs. Je voudrais revenir un instant là sur les débuts de l'URSS. Est-ce que les Juifs bénéficient d'un statut particulier? Vous voulez dire, sont-ils considérés comme appartenant à une nation, comme par exemple les Kazakhs ou les Ouzbeks? Bah oui. Eh bien oui et non. Certains bolcheviques, comme Lénine, parlent de nation extraterritoriale. Enfin, Lénine changera souvent d'avis sur cette question. En tout cas, ça veut dire qu'il a bien parlé de nation. Oui, à partir de 1933, lorsque sera mis en vigueur le système des passeports internes, à la rubrique nation, les Juifs devront s'inscrire comme tels. C'est-à-dire membres d'une communauté nationale. Mais d'autres communistes ne veulent considérer le judaïsme que sous l'angle religieux. Et pour eux, la question juive ne sera résolue que par l'assimilation. Comme chez nous, en France, par exemple. Ouais. Enfin, la vraie controverse, c'est celle qui va opposer communisme et sionisme. Deux idéologies incompatibles. Pourtant, le communisme est universaliste. Tandis que le sionisme vise le regroupement de tous les juifs de la diaspora au sein d'un État. À noter d'ailleurs, à contrario, que politiquement, communistes et sionistes ne sont pas si éloignés que ça, puisqu'ils préconisent une organisation collectiviste de la société. Ouais. Alors, comment se traduit cette compétition entre sionisme et communisme? Elle est d'abord très féroce. Les bolcheviques sont farouchement anti-sionistes. Enfin, je résume. Premièrement, les dirigeants communistes accusent les sionistes de faire le jeu de l'impérialisme britannique au Proche-Orient. Oui, parce qu'ils s'installent en Palestine. Oui, au détriment de la population arabe. Les sionistes favoriseraient objectivement donc les intérêts coloniaux de la Grande-Bretagne. Mais deuxièmement, et c'est sans doute le plus important, les dirigeants soviétiques craignent le pouvoir d'attraction du sionisme sur l'intelligentsia juive. Oui, ils ont peur que ces intellectuels ne quittent l'URSS? Naturellement. Si tous ces médecins, scientifiques ou ingénieurs juifs partaient pour la Palestine, ce serait une véritable hémorragie de cerveaux. Des cerveaux dont le pouvoir soviétique a absolument besoin pour construire le pays. Alors, là-dessus, il n'y a aucune idéologie là-dessous là. Non. Et c'est la raison pour laquelle, jusque dans les années 80, l'URSS s'opposera toujours à l'émigration des juifs soviétiques. Alors, les dirigeants communistes vont imaginer une façon de contrer le sionisme. Mais comment? L'idée, c'est de donner une terre aux juifs. Une terre à l'intérieur de l'URSS? Oui, c'est assez subtil, non? Car non seulement l'établissement de cette Palestine soviétique dissuadera les juifs soviétiques de partir en Palestine, la vraie, mais ce geste sans précédent attirera la sympathie des juifs du monde entier. Et disons-le tout de suite, la philanthropie n'a rien à voir avec l'affaire. Ouais, que voulez-vous dire là alors? Le Kremlin pense que le judaïsme américain et européen aura à cœur de récompenser l'URSS. D'accord, mais récompenser quoi? De quelle manière? De quoi ont besoin les soviétiques dans ces premières années de l'après-révolution? De reconnaissance et de devise. Donc Moscou pense que la création d'une république juive pourrait aboutir à ce double résultat? Oui, encore que dans un premier temps, on n'envisage pas une république, mais seulement un district autonome. Reste à trouver une terre pour accueillir les juifs. L'URSS est vaste. C'est certain, mais comme en Palestine, il y a des populations autochtones qui sont déjà installées un peu partout. Donc il ne faut pas que cette colonisation se fasse au détriment de ses habitants. En outre, il faut tenir compte de l'antisémitisme ancestral de certaines populations. Et c'est pourquoi très vite, le Kremlin exclut l'Ukraine ou la Crimée, où se trouvaient pourtant de nombreuses communautés juives. Alors où? On pense au Caucase, ou plus à l'est, à la République de Kirghizie. Mais ça semble difficile, et finalement, on se fixe sur le Birobidjan. Le Birobidjan, c'est où ça? Le Birobidjan, c'est à l'extrême est de l'URSS, à la frontière chinoise. Autant vous le dire tout de suite, la région n'est guère hospitalière et il y a plus de marécages que de bonnes terres. Alors ce choix n'est-il pas en lui-même un peu antisémite? Oh, ne voyons pas le mal partout, mais c'est vrai qu'en optant pour le Birobidjan, on ne faisait pas un cadeau aux Juifs. D'autant que cette région était très éloignée de Moscou et des villes où étaient traditionnellement implantées les communautés juives. Ça ressemblait à une sorte d'exil. Alors. Oui, ça a été le sentiment de beaucoup de Juifs soviétiques. J'ajoute autre chose, ce choix du Birobidjan obéissait aussi à un objectif stratégique. Un objectif stratégique, c'est quoi ça? C'est expliqué. Le Birobidjan, je vous l'ai dit, se trouve à la frontière chinoise. Or, ce territoire était souvent envahi par des Chinois. C'était aussi une porte d'entrée pour des groupes de Russes blancs désireux d'en découdre avec les Soviétiques. Ah ouais, je commence à comprendre. En envoyant là-bas des Juifs, on voulait aussi protéger la frontière. C'est ça. Mmh. C'était d'autant plus malin que les Juifs étaient naturellement hostiles aux Russes blancs. Oui, à cause de leur antisémitisme. C'était effectivement les héritiers de la politique tsariste qui étaient farouchement antisémites. Mmh. Mais est-ce que cette expérience là, du Birobidjan a fonctionné? Remarquons d'abord que le Birobidjan est devenu administrativement une région autonome juive. Et même si ça n'était pas une république, le symbole était quand même fort. Oui, parce que c'était... la première fois depuis la chute de Jérusalem que les Juifs avaient une terre à eux. Hein. Bien entendu. Alors vous me demandez si ça a fonctionné. Non, pas vraiment. L'ambition du Kremlin, c'était d'envoyer 100 000 familles juives au Birobidjan. Ouais, des familles volontaires. En principe, oui. Hmm. Mais les premiers colons se sont vite découragés. Et pourquoi? Essentiellement à cause des conditions de vie. Trop dur. Oui. Ouais. En fait, ce plan a été improvisé et beaucoup de Juifs repartaient à peine installés. Ouais. Mais que prévoyait ce plan-là dont vous me parlez? Il s'agissait de mettre en valeur les terres du Birobidjan. Attendez, vous m'avez bien dit que les Juifs qui vivaient en URSS, c'était surtout des citadins. Oui, et c'est là où le bât blesse. La plupart des citoyens juifs vivant en URSS n'avaient aucune envie de s'installer derrière une charrue. Donc, seules quelques centaines de familles sont demeurées au Birobidjan. Par conséquent, c'est un échec. Absolument. Parce que, échec économique et échec politique. Car cette création d'une Palestine soviétique n'a jamais été en mesure de concurrencer sérieusement le mouvement sioniste en URSS. Enfin, vous le verrez, cette idée ressurgira un peu plus tard. Toujours au Birobidjan? Non. L'expérience du Birobidjan avait fait la preuve de son échec, même si ce lointain territoire gardait son nom de région autonome juive. En tout cas, pour le pouvoir soviétique et pour les raisons que je vous ai dites, il importait plus que jamais de lutter contre le sionisme. Mais alors, maintenant, de quelle façon? La répression. Les arrestations, vous voulez dire. Des milliers de militants sionistes ont été envoyés dans les camps. Et d'autres, plus rarement, ont été expulsés. Enfin, il faut reconnaître que la politique soviétique dans cette matière a été souvent fluctuante. Au moins jusqu'au début des années 30, avant les grandes purges où l'antisémitisme encouragé par les autorités s'accompagnera bien sûr d'un renouveau de la répression antisioniste. L'antisionisme étant alors un prétexte. Forcément. Mmh. Mais la Deuxième Guerre mondiale va bouleverser ce schéma. Mais avant... Et d'abord, le pacte germano-soviétique, un pacte qui ne doit pas réjouir, enfin j'imagine, la communauté juive en URSS. Mais vous avez raison, et les premières conséquences sont effectivement néfastes pour les Juifs. En entrant en Pologne, les troupes soviétiques commencent par rafler les chefs du Bund. Le Bund, c'est le Parti Socialiste Juif. Un parti interdit en URSS, comme tous les autres partis d'ailleurs, à l'exception naturellement du Parti Communiste. Donc, les troupes spéciales du NKVD arrêtent les dirigeants du Bund, parce que ce sont des sociaux-démocrates. Et des Juifs. Certainement. Mmh. Mais en juin 1941, l'offensive allemande contre l'URSS va changer radicalement la donne. Et Staline va se servir des Juifs. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Comment réagir face aux menées sionistes en URSS? Monsieur X l'a dit, la politique des communistes a souvent été fluctuante. Laurent Rucker a publié un livre essentiel en mai 2001, livre intitulé « Staline, Israël et les Juifs ». Il a retrouvé des documents de la Tchéka, l'ancêtre du GPU, du NKVD et du KGB. En 1919, au comité central du PC, on débat de l'attitude à adopter face au mouvement sioniste. Je cite « La question de la nécessité de la liquidation de cette organisation et de toutes ses branches a été débattue par les dirigeants du parti et par le comité central. Les opinions divergent sur un seul point, la méthode de liquidation. Une partie du CC insistait sur la liquidation publique totale et brutale de tous les repères du parti sioniste. Une autre partie, cependant, prenait en considération la situation internationale et les espoirs de relations diplomatiques avec l'Angleterre et craignant qu'une liquidation ouverte des sionistes ne puisse affecter le succès de notre diplomatie soviétique, croyait qu'il serait plus utile d'obtenir la déroute de cette organisation par une répression administrative, une suppression des subventions, la confiscation de la propriété de ces institutions culturelles sous divers prétextes. La majorité du CC était d'accord avec cette dernière approche. Afin d'appliquer ces décisions, le bureau central a reçu la directive d'établir un organe spécial secret pour combattre la contre-révolution juive. Le livre de Laurent Rucker a été publié aux presses universitaires de France. En juin 1941, l'aveuglement de Staline place l'URSS dans une situation désastreuse. Oui, parce que Staline n'a pas cru à l'offensive allemande. Et pourtant, comme vous le savez, plusieurs sources l'avaient averti de l'imminence de l'attaque. Par conséquent, il aurait pu renforcer les défenses du pays et se préparer au choc. En tout cas, devant la gravité de la situation, le Kremlin doit réviser en toute hâte sa politique. Et ça vaut aussi bien pour les relations extérieures que pour la politique intérieure. Les deux étant liés, bien sûr. À l'extérieur, il s'agit de s'allier avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les ennemis d'hier. Et à l'intérieur, alors ? Tout le pays doit faire bloc. Staline a besoin de tout le monde. Donc il assouplit sa politique vis-à-vis des minorités et des nationalités. Et encore une fois, pour les soviétiques, ça n'est pas tout à fait gratuit. Car ils pensent que cette relative libéralisation sera forcément bien vue à l'Ouest. Or, Moscou a un besoin urgent d'aide militaire et économique pour résister à l'agression nazie. Staline veut donc donner des gages à l'Occident. Et influencer dans le bon sens les opinions publiques anglo-saxonnes, oui. Alors le Kremlin fait un geste en direction des églises, par exemple. Et bien entendu, les juifs ne sont pas oubliés. D'autant qu'ils sont les plus concernés par la politique raciste d'Hitler. Concrètement, ça se traduit comment ? En août 41, c'est-à-dire 2 mois seulement après l'invasion allemande, un grand meeting est organisé à Moscou. Il regroupe quelques-uns des intellectuels juifs les plus prestigieux de l'URSS. Il y a là le plus grand acteur du théâtre yiddish, Solomon Mikols, l'écrivain Ilya Ehrenbourg, mais aussi le cinéaste Sergei Eisenstein, et puis les scientifiques. Leur objectif Lancer un appel aux juifs du monde entier afin qu'ils se battent contre le fascisme et soutiennent l'URSS engagée dans ce qu'on appelle officiellement la Grande Guerre de Libération Patriotique. J'imagine que la tenue de ce meeting n'a pas été tout à fait spontanée. Évidemment, et tous les textes lus à la tribune avaient été préalablement visés par les autorités. Il n'empêche que ce meeting, retransmis par la radio et diffusé à l'Ouest, a eu un grand retentissement. Et en URSS même, il aura pour effet la création un peu plus tard d'un comité antifasciste juif. Toujours avec l'aval de Staline ? Il ne pouvait pas en être autrement. Et à l'Ouest, l'effet est immédiat. Plusieurs comités d'aide à l'URSS sont créés. Et aux États-Unis, le plus important, regroupant des écrivains, des artistes et des scientifiques juifs, sera présidé par Einstein en personne. Sur le plan de la propagande, c'est donc un succès. Indéniablement. Et l'opération était liquidée par un homme très habile, Lavrenti Beria, le commissaire aux affaires intérieures. Beria qui supervise tous les organes de sécurité. Et les services de renseignement. Beria, c'est alors le premier flic du pays. Mais ça ne veut pas dire qu'il a les mains entièrement libres. Témoigne une curieuse et dramatique affaire qui est longtemps restée secrète, l'affaire Ehrlich et Alter. Qui sont ces deux hommes-là ? Deux dirigeants juifs du Bund polonais. Des socialistes, donc. Oui. En 1939, lorsque la Pologne est dépecée entre l'Allemagne nazie et l'URSS, Ehrlich et Alter choisissent de fuir à l'Est. Et ils sont immédiatement arrêtés par l'UNKVD. On les accuse d'être des espions et on les met au secret. En fait, on leur reproche surtout d'être résolument hostiles au pacte germano-soviétique. Oui, mais leur situation va être reconsidérée, je pense, lorsque Hitler va attaquer l'URSS. Tout de suite. Ils seront même condamnés à mort 1 mois après l'entrée des Allemands en URSS. Toutefois, leurs peines sont commuées. Et finalement, Beria les fait libérer. Parce qu'il compte les utiliser ? Il pense en effet que ces deux politiques aguerris pourraient prendre la tête de ce comité antifasciste juif qu'il envisage de créer. Et Beria s'entretient avec eux. Toutefois, 3 mois à peine après leur libération, les deux hommes sont à nouveau arrêtés. Et que s'est-il passé alors entre eux ? C'est Staline qui est intervenu. Et il y a au moins deux explications. La première, la plus simple, c'est que le maître du Kremlin n'a pas oublié qu'Ehrlich et Alter l'ont vigoureusement critiqué lors de la signature du pacte germano-soviétique. Mmh. Et il ne supporte pas tout ce qui lui rappelle qu'il a été le complice objectif d'Hitler. Mmh. Et la deuxième explication ? Ehrlich et Alter n'étaient pas assez souples. Ils avaient surtout compris que le sort des Juifs importait peu à Staline. Ce qui comptait pour lui, c'était de s'attirer la sympathie du monde occidental, et en particulier des communautés juives, afin de lever les fonds indispensables à la poursuite de son effort de guerre. Mmh. Ehrlich et Alter se sont donc rendus compte qu'ils risquaient d'être manipulés. Oui. Ouais. Et que sont devenus ces deux hommes ? On ne les a jamais revus. Ils ont été exécutés ? D'après ce qu'on sait aujourd'hui, l'un d'eux, effectivement, était fusillé, et l'autre s'est suicidé dans sa cellule. Ça veut dire que Beria n'était donc pas tout puissant. Non, comme les autres dirigeants soviétiques, il devait une obéissance absolue à Staline. Et dans cette affaire, comme il a fait un faux pas, il a dû se rattraper en s'occupant personnellement de faire taire pour toujours Ehrlich et Alter. Mmh. Mais est-ce que cette sinistre affaire a compromis les efforts de Beria visant à créer ce comité antifasciste juif? Oh, il y a bien eu quelques curieux, des étrangers, pour s'interroger sur le sort des deux dirigeants du Bund. Invariablement, on leur a répondu que c'était des espions hitlériens. Et l'affaire a été entendue. C'était la guerre, ne l'oubliez pas. Et puis l'URSS était l'allié des démocraties occidentales. Mais par conséquent, on a rapidement oublié Ehrlich et Alter. Mais c'est malheureusement la vérité. Mais à la fin de 1941, Beria est arrivé à ses fins. Alors, c'est-à-dire en parvenant à créer ce comité antifasciste. Oui, hein, oui, car il faut être très clair, même si cet organisme va réussir à regrouper la fine fleur de l'intelligentsia juive de l'URSS, il sera toujours étroitement contrôlé par le NKVD, et donc par Beria lui-même. Et si le président du comité est Solomon Mikols, qui est une véritable vedette en URSS, le secrétaire est un certain Epstein, une créature du NKVD. Donc c'est un mouvement sous surveillance. En URSS, personne n'échappe à la surveillance des organes de sécurité. Et surtout pas un comité juif, parce que l'antisémitisme a seulement été mis entre parenthèses. Ouais, le temps de la guerre. C'est ça. Mmh. Mais quels sont alors les objectifs poursuivis par ce comité antifasciste juif? Le premier, c'est de recueillir le maximum d'informations sur la situation des juifs dans les territoires occupés par les armées du Troisième Reich. Ensuite, il s'agit de susciter la création d'autres comités antifascistes à l'étranger et d'informer l'opinion sur les atrocités antisémites commises par les nazis. Mmh. Ce sont donc essentiellement des activités de propagande. De l'agitprop, comme on dit à l'Est, oui. Mais dans le bon sens du terme. Toutefois, il y a un troisième objectif, et ce n'est pas le moins important. Il faut collecter à l'étranger de l'argent, des vivres, des vêtements à la fois pour l'armée rouge et les populations déplacées. Et dans ce but, le président du comité, Mikols, va diriger une délégation chargée de se rendre en Occident. Un voyage triomphal. Il est reçu par tout ce qui compte aux États-Unis, mais aussi au Canada et en Grande-Bretagne. Qui ? Chaplin, Chagall, Einstein et des politiques, bien sûr. Et la collecte est fructueuse ? Ah oui, c'est un succès. Un succès pour le mouvement juif, mais aussi pour l'Union soviétique. Je précise que Mikols était chaperonné par un agent du NKVD et les agents de la centrale en poste dans tous ces pays. Alors, continue à se méfier de lui. Staline n'avait confiance en personne. Toute sa vie, il a vécu dans la hantise du complot. Ouais, quand il n'en existait pas, il les inventait. Tout à fait. Par conséquent, il craignait par-dessus tout que ne se créent des groupes autonomes échappant à son autorité, à sa surveillance. Or, rapidement, il a très mal vu le succès obtenu par Mikols et ses compagnons. Pourquoi ? Il a eu peur que le succès leur monte à la tête ? Oui, il a soupçonné les membres du comité de vouloir prendre leur indépendance. Or, Mikols revenait en URSS avec une idée explosive. La création d'une république juive en Crimée. À nouveau... c'est Birobidjan. C'est ça, mais un Birobidjan qui marche, si je puis m'exprimer ainsi. Une république qui récompenserait les juifs soviétiques pour leur participation à l'effort de guerre et qui rendrait justice à toutes les victimes des crimes nazis. Staline a été informé de ce projet ? Tout de suite, oui. Et on en a parlé au Kremlin. Mais attendez, on a parlé sérieusement ? Certains y ont cru. Et des Américains, membres d'une organisation juive, le Joint Committee, ont tout de suite fait savoir qu'ils financeraient le projet. Mais Staline, lui ? Staline, je suis persuadé qu'il n'a jamais vraiment envisagé de donner la Crimée aux Juifs. Mais l'idée pouvait séduire l'opinion américaine et quelques banquiers juifs. Ah ouais, je vois. Et dans le cadre des négociations, toujours difficiles entre alliés, il n'était pas mauvais de laisser entendre que le projet pourrait se réaliser un jour. Donc, selon vous, Staline a fait semblant. Oui, il a longtemps laissé penser qu'il y aurait un jour une république juive en Crimée. Et les dirigeants du comité antifasciste ont cru que c'était arrivé. Surtout lorsqu'ils ont appris que Staline déportait les populations de Tatars installées en Crimée. Mais c'était un piège. Un piège destiné à Mikols et à ses amis. Pour se débarrasser d'eux ? Oui. et l'affaire des blouses blanches ne sera qu'un lointain avatar de ce piège et du retour progressif, bien sûr, de l'antisémitisme en URSS après la guerre. La semaine prochaine, vous l'avez compris, nous entendrons donc à nouveau Monsieur X parler des rapports entre Staline et les Juifs. Staline, qui, paradoxalement, va soutenir la création de l'État d'Israël et donc encourager le mouvement sioniste, et menait en même temps une politique antisémite de plus en plus rigoureuse. Je vous rappelle le titre du livre remarquable de Laurent Rucker, « Staline, Israël et les Juifs », paru au PUF. Et enfin, je vous signale la récente parution d'un ouvrage indispensable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du mouvement communiste, « Comintern, l'histoire et les hommes », publié par les éditions de l'Atelier. Grâce à des recherches dans des archives secrètes à Moscou, ce livre propose la biographie des Cominterniens les plus éminents, des hommes qui, pour beaucoup d'entre eux, ont été victimes des purges staliniennes. À samedi prochain, et je vous rappelle notre site franceinter.com, un site qui vous permet de réécouter cette émission et aussi des dialogues plus anciens avec Monsieur X.